Ici André Guy, maire de Dolbeaume-Sicily. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour offrir à tous les citoyens des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Que cette période propice aux retrouvailles vous permette de passer du bon temps avec ceux que vous aimez. Je vous invite également à faire preuve de générosité envers les personnes démunies pour qui cette période est plus difficile. Enfin, je vous encourage à faire vos achats localement pour contribuer à la vitalité économique de notre communauté. Joyeuses fêtes à tous! Le propriétaire des magasins Sport Expert de Roberval et de Dolbeau-Mistassini, M. Stéphane Leroyer, souhaite un joyeux Noël et une bonne année à toute la population et remercie la clientèle qui l'a encouragé tout au long de l'année qui se termine. Soyez prudents et amusez-vous avec vos proches. Sport Expert à Dolbeau-Mistassini et Roberval au numéro de téléphone 418-276-3010 ou encore le 275-3744. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. On va parler des constructions de l'avenir avec un autre joueur. On essaie de parler le plus de joueurs possible. On va parler avec Elliott Lapointe, le défenseur, fait, qui est à sa troisième saison. Salut Elliott. Salut Danny, ça va bien? Troisième saison, hein? Ouais, c'est ça, troisième. OK, OK. Troisième saison. Comment tu trouves, comment ça va ta saison? Ah, ça va bien, ça va bien. Là, les saisons se suivent et se ressemblent, là, c'est plus du hockey de développement, hein, fait qu'on maintient le cap, là, on essaie de garder un bon calibre, là, malgré que les âges avancent, puis c'est le fun, là. C'est le noyau revient tout le temps, année après année, fait que... Tu trouves-tu que le calibre s'améliore d'année en année? Je te dirais qu'il se maintient, beaucoup, ouais. Il y a des joueurs vedettes dans la ligue. Non, ça va en général. Le nerf de la guerre, c'est justement de maintenir des équipes compétitives à chaque année. Tu sais, mais il y a peut-être une année là, où est-ce qu'il y avait, je pense, là, 2 ans, il y avait Forestville là, qui n'était pas très compétitif. Mais tant que toutes les équipes sont compétitives, puis à chaque soir, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. C'est ça qui est la beauté de la ligue, là, je te dirais. Okay. Si on parlait un peu de la force de l'équipe, selon toi, ça se situe à quel niveau? Je te dirais que c'est la profondeur. Profondeur à l'attaque, là. Tu sais, là, on aligne là, 4 trios, puis c'est 4 bons trios offensifs, là. Les joueurs qui jouent sur le 4e trio pourraient aussi bien jouer sur le 1er, là. C'est vraiment spécial, là, cette année, là. Je me rappelle, le dernier match à Dolbeau, là, c'était 12 attaquants, puis 12 attaquants, là, vraiment. C'est des bons attaquants avec des bonnes habiletés offensives. Là, on n'était plus dans le cliché du 4e trio où est-ce qu'il y avait un bagarreur et un gars qui tirait de la patte. Là. Non. C'est... Ben vous autres, depuis le début de la Ligue, c'est un peu ça aussi. Là. Ouais. Vous n'êtes pas une équipe vraiment tellement robuste. Vous misez plus sur l'attaque, vous misez plus sur... Je me trompe-tu en disant ça? Non, c'est sûr que ça fait pas partie de notre ADN. Il y a des équipes où est-ce qu'il y a vraiment... sur le banc, un bagarreur qui est là uniquement juste pour se battre, là, comme Jonker, par exemple. Mais nous autres, on n'en a pas, des gars de même. Fait que, au dernier match, il y avait Yves Girard à Jonker, mais Il est encore dans la ligue. C'est correct là, d'avoir un gars de même dans l'équipe, là, mais quand tu n'as pas de gars pour lui l'autre côté, ça donne pas grand-chose, du moins. Du moins de faire respecter son équipe là, c'est correct là, mais tu sais, ben, les bagarreurs souvent ça en prend un de chaque bord. Ben oui, c'est ça. Donc toi t'as quoi à regarder, je veux dire, la plus grosse équipe jusqu'à maintenant c'est Wendake, quoi? J'ai pas regardé le classement dernièrement, mais ben tu sais, on était les 4 premiers matchs, c'est 4, on était 4 en 4. C'est ce que t'as vu là? Ouais, c'était... Ah, les grosses équipes dans la ligue? Ouais. Toutes les équipes sont bonnes. Je te dirais, peut-être Wendake, là, sont, pour nous, sont plus à... sont plus à regarder. Là, ils ont vraiment des bons. Donald Brashear est encore là. Il y a un certain Bertrand. Là, il a même joué dans la Ligue nationale. Là, il a 45 ans, là, mais on dirait qu'il en a 25. Oui. Dernier match, là, hey, le nom m'échappe. Il a joué pour le Canadien de Montréal. Un Bertrand, il a 45 ans. Merde. Le nom m'échappe. C'est vraiment, là, tu vois qu'il est une classe à part. Là, fait que lui, il va être à surveiller. OK. Puis toutes les équipes ont des bons joueurs. OK. Ben, Elliot, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bonne saison avec l'équipe des Constructions de l'Avenir. On invite le monde à aller demain soir au match. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de changement, hein, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça qu'on se demandait avec les annoncières de Legault, mais ça a l'air de se tenir. Quoique les annonces rentrent en vigueur lundi. Ouais. C'est deux pas deux mesures. Je pense que rendu à cette heure-ci, je pense que c'est pas mal réglé, là. Ouais, mais tu sais, ça a été hier, c'était à huis clos au Centre Bell. Ouais. C'est bizarre de considérer que c'est à huis clos au Centre Bell, mais nous, on va remplir l'aréna de 1000 personnes. Mais il y a bien des affaires bizarres. Un gros merci au plaisir de se parler. OK, salut, Danny. Voilà le défenseur des Constructions de l'Avenir, Elliot Lapointe.